Chapitre 215. Le mérite du siwak et les vertus naturelles. 1196. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Si je ne craignais de surcharger ma nation ou les gens, je leur ordonnerais d'utiliser le siwak pour chaque prière. » Le siwak, bâton servant à se frotter les dents. Al-Bukhari et Muslim. 1197. Selon Hudhaifa, radiyallahu anhu, chaque fois que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se levait la nuit, il se frottait les dents avec le siwak. Al-Bukhari et Muslim. 1198. Aisha, radiyallahu anha, a dit « Nous préparions pour le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, son siwak et l'eau de ses ablutions. Il se réveillait alors au moment voulu par Allah, se frottait les dents à l'aide du siwak, accomplissait ses ablutions, puis se mettait à prier. » Muslim. 1199. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Je vous ai recommandé avec insistance l'utilisation du siwak. » Al-Bukhari. 1200. Shuraih ibn Hani rapporte avoir interrogé Aisha, radiyallahu anha. Par quoi commençait le prophète, alayhi salatu wassalam, en rentrant chez lui? Par utiliser son siwak, répondit-elle, radiyallahu anha. Muslim. 1201. Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, relate ceci. Je me suis un jour rendu chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et je le vis avec le bout de son siwak sur sa langue. Al-Bukhari et Muslim, dont c'est la version. 1202. Selon Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le siwak permet à la fois de purifier la bouche et d'agréer le Seigneur. » An-Nasa'i et Ibn Khuzaymah dans son recueil authentique Sahih avec des chaînes narratives authentiques. 1203. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit La fitra, disposition naturelle selon laquelle l'homme fut créé, se compose de cinq choses, ou cinq choses font partie de la fitra. La circoncision, se raser le pubis, se couper les ongles, l'épilation des aisselles et se tailler la moustache. Al-Bukhari et Muslim. 1204. D'après Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit 10 pratiques font partie de la fitra. Se tailler la moustache, laisser pousser abondamment sa barbe, utiliser le siwak, aspirer puis rejeter l'eau des ablutions dans le nez, istinshaq, se couper les ongles, se laver la jointure des doigts, s'épiler les aisselles, se raser le pubis et se nettoyer les parties après les besoins naturels avec de l'eau. Le narrateur ajouta « J'ai oublié le dixième ». À moins qu'il ne s'agisse du rinçage de la bouche, madmada, lors des ablutions. Muslim. Laisser pousser abondamment sa barbe signifie qu'il ne faut pas y toucher. 1205. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. » Al-Bukhari et Muslim.